laisse en les barres dans les boîtes. Flatte mon ego, flatte mon ego. Yeah. Sur scène, en studio, en soirée. Flatte mon ego, flatte mon ego. Flatte mon ego, mon ego, mon ego. Dans ton lit, dans ton phone, dans ta rue, dans mon quartier. Flatte mon ego, flatte mon ego. Dans ma ville, dans ton pays, dans la mer, fait tout le temps. Je suis pas dead, non, je taffe toujours mes pros, surtout quand j'ai le temps. SKSX, quoi de plus exaltant. J'ai repris la plume l'espace d'un instant et exaucé tes prières. Instru et meurtrière, t'entends, elle date d'avant-hier. Attends, quelques printemps au compteur, pas tout à fait novice. Et vu qu'on est performant, on s'immisce dans tous tes orifices. Les wax s'écartent, car on annonce une éclipse. Et si on se démarque, c'est pour être les seuls dans ta tracklist. Je débarque, pas besoin d'aide, pas besoin de me hisser. Ah si, j'ai besoin de temps pour écrire des phases aiguisées. C'est toi le clown, ce n'est pas moi qui me suis déguisé. Augmente les watts pour avoir les poils et rissé. Yeah. J'ai la dalle, protège tes brebis galeuses. Technique et rime flow pour t'envoyer dans une nébuleuse. SKSX02100. Flatte mon ego, flatte mon ego. Yeah. Dans ta pièce, en les barres, dans les boîtes. Flatte mon ego, flatte mon ego. Yeah. Sur scène, en studio, en soirée. Flatte mon ego, flatte mon ego. Flatte mon ego, mon ego, mon ego. Dans ton lit, dans ton phone, dans ta rue, dans mon quartier. Flatte mon ego, flatte mon ego. Dans ma ville, dans ton pays, dans la mer, fait tout le temps. J'quadrille le périmètre avec mon escadrille. Mec, j'arrive pour y mettre mon rap et pour clé son descabri. J'suis là et les fois M6 braque, j'm'applique. On déstabilise, reste l'habilité, j'casse des briques. J'place des tricks, j'taffe des rimes. Toi tu balances des trucs débiles, entouré t'as terrible. Yeah, et quand j'mange des sons de taré, j'dis la vérité même quand j'mange. J'ai l'habitude, c'est con, franchement. Si tu clashes, fais attention, car peut-être je suis un super MC et que je passe inaperçu comme Clark Kent. Les rappeurs avancent, mais les jambes écartées. Tu jouis devant mes prods dans un moment de clarté. Écoute, les tendances évoluent, c'est l'éternel recommencement. SKSX, t'as toujours kiffé comme en ce moment. C'est toujours électrique, technique, premier kick au fade out. 2012, on est le 7 août. Dans ta pièce, en les barres, dans les boîtes. Flatte mon ego, flatte mon ego. Yeah. Sur scène, en studio, en soirée. Flatte mon ego, flatte mon ego. Flatte mon ego, mon ego, mon ego. Dans ton lit, dans ton phone, dans ta rue, dans mon quartier. Flatte mon ego, flatte mon ego. Dans ma ville, dans ton pays, dans la mer, faites tout le temps.